alors comme ça en état Belfort? Ah oui, est-ce que vous voulez entendre un petit peu la salle? Attendez, attendez, attendez. Ouais, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tout Belfort chante joyeux anniversaire. Laetitia Gaillet. Ouais, c'est moi. Eh oui. Merci. Vous vous en souviendrez de celui-là, toute Laetitia Gaillet. Toute merci pour toutes ces informations et celle du jour, donc, hein, votre anniversaire. Voilà. Allez, amusez-vous bien. Merci Laetitia, fêtez ça bien, soyez prudente. Et écoutez ce qui s'est passé dans le train, car c'est là que nous avons fait notre conférence de rédaction. Bon alors les amis, pas trop fatigués? Oh, écoutez, moi je veux rien savoir. Comme à chaque déplacement, je veux qu'on ait la patate, qu'on soit sympa avec les gens. On est toujours sympa avec les gens. Je vous rappelle qu'à Lille, vous avez quand même traité les gens de pédophiles. Oh, oui, mais si on est dans l'Est, y a pas de pédophiles. Dans le Nord non plus. Et moi les gars, c'est mon premier déplacement. Oui, tu vas voir, c'est très facile. En plus, les gens de Belfort sont fantastiques. Enfin, c'est quand même des gens qui ont buté Chevènement, faut pas. Ah ouais, t'as raison. Il est pas décédé, Chevènement. Si, il est déjà décédé une fois. Bon, enfin, maintenant ça va beaucoup mieux. Bon, André, t'as l'air inquiet. Je me demande là, en voyage, qui paye les billets? Bah, c'est France Inter qui paye. Donc ça veut dire que c'est le contribuable français qui paye. Ah bah ouais. Merde. Bah quoi? Si j'avais su, j'aurais pris mes gosses avec moi. Non mais attends, il a raison, moi je veux pas de problème, je peux payer mon billet. C'est moi, bon, Samiro, détends-toi, nous on est là pour le boulot. Et enfin, Valso aussi, il était là pour le boulot. Sauf qu'après, il était voir un match de foot. Et bah justement, moi je vais pas me taper un match de l'ASM Belfort. Point barre, la DH. Ouais, on verra. Bon, Fromet, toi t'es prêt au moins? J'ai un début, mais je pense que je vais changer. Mais non, vas-y, fais péter. Super tes chansons. Très bien. Belle formidable. Ah, vous étiez belle formidable. J'étais belle formidable. Tu vas changer. Ouais. Bon, bah, je vois qu'on a bien avancé. Hein. Tout le monde est crevé, puis personne n'a rien fait. Ah, si, moi, je suis prêt, Charline. J'ai ma chronique. Oh, mon Dédé. Je m'allonge, fais-moi le début. Ah, ça fait comme ça. Belfort, cette ville où la pitié s'est posée un soir de juin. Une cité fauve comme son symbole. Oui, le lion, animal tellurique qui envoie sa femme chasser, telle Diane. Diane qui me fait aussi penser à la boule d'amour de Platon, mais aussi à la flèche de Nietzsche plantée dans le cul du Yoruba. Eh les gars, oh les gars, mais ils dorment tous, monsieur Paul. Bonjour Belfort Inter, bonjour à tous! En direct depuis la salle des fêtes de Belfort, vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité au scalpel. Et voici les trois informations qu'on va tailler avec plus ou moins de précision jusqu'à 18h. La télé a changé la manière de faire de la politique. Aujourd'hui, on se bat davantage pour être invité à la télé que pour amener des idées. Les hommes se parlent plus, ils communiquent plus. C'était mieux avant. Après la musique et le cinéma, les comiques commencent à s'internationaliser, à jouer ailleurs qu'en France, et ce grâce au web et surtout à la pratique de l'anglais. Non, vraiment, je suis content de revenir en France parce qu'on vient de terminer une bonne partie de la tournée des States aux États-Unis. On a fait une grosse tournée. Eh oui, Monaco, New York, ça doit pouvoir se faire en Falcon. Quelle est l'actualité à Belfort? Eh bien, nous tombons en pleine affaire de la crêpe. Un dossier qu'on va retourner en le lançant très haut et en espérant qu'il retombe à côté de la poêle. Enfin, c'est des crêpes, mais des crêpes à la confiture. Des crêpes. Moi, je mets du chocolat. Je suis accompagnée de celui qui a découpé sa chemise dans les rideaux de la salle des fêtes de Belfort. D'ailleurs, il n'y a plus de rideaux. Alex Vizorek. Mais bonjour Charlie, bonjour Belfort. Et aujourd'hui, je vous ai amené une équipe de voyage à 17h20, qu'importe où il est, l'important c'est où il vous emmènera. Et ça, lui-même ne le sait pas exactement lorsqu'il prononce sa première phrase d'approche. Et parfois, il va trop loin. D'ailleurs, de nombreuses jeunes chanteuses ont fini par devoir porter plainte pour ça. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour Belfort. Eh ben, je vais parler tout simplement d'un des plus chouettes festivals de cet été, les Eurockaines de Belfort. Quel faillot, mais c'est bien joué. À 17h30, on ne les a jamais vus ensemble dans l'émission et je suis très inquiet, car cet homme est au sport ce que Manoukian est à la philosophie, un pipoteur de talent. Quand l'un cite Barthes, L'autre est aussi approximatif quand il évoque Barthès. Mais on appelle ça la liberté des poètes. Bonjour Samir Bouadi. Salut à vous Charline, Alex. Merci, bravo, c'est la terrible. Moi je vais vous parler de Michael Jordan, hein, le sportif le retraité le plus riche de l'histoire du sport. Michael voilà. Jordan. Et puis à 17h40, elle sait tout l'inverse. C'est d'une rigueur sans faille quand il s'agit de parler littérature. En revanche, elle est beaucoup moins en matière de gestion de transport ferroviaire. Vous avez failli ne jamais la voir, car elle est allée à la gare de l'Est pour se rendre ici en se disant « c'est logique ». C'était logique. Eh oui, parce que vous n'alliez pas à Lyon alors que le train partait de la gare de Lyon. C'est vous qui avez raison et non pas la SNCF. On est content de vous avoir. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Belfort. Eh bien moi, je vais relier Belfort à la littérature, même si le lien est un peu tiré par les cheveux, vous verrez. Nous nous réjouissons et à 17h55, il va donc faire une chanson sur votre ville. Vous avez une petite heure pour aller chercher des tomates et des cailloux avant que Frédéric Fromet ne vienne chanter. Et d'ailleurs, si tu écoutes, j'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout et sur Facebook. Et si dans cette salle, vous voulez poster des photos de la salle et de l'émission, allez-y sur Twitter, hashtag annule tout. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous René Coty. Vous apprenez à jongler et à cracher du feu en 77. C'est l'année où Jacques Chirac apprend à jongler avec les lignes comptables puisqu'il est élu maire de Paris. Vous cofondez le Cirque Plume en 84. C'est l'année où Prince sort son tube Purple Rain qui n'a jamais été adapté en français parce que personne n'a jamais osé chanter « pluie violette ». Vous fêtez les 30 ans du Cirque Plume avec la création du spectacle Tempus Fugit en 2013. C'est l'année où Benoît XVI prend sa retraite alors qu'il n'avait pas toutes ses annuités. Vous êtes... Bernard Cudlac. Oui. Bienvenue. Si tu écoutes, j'aime tout. Le Cirque Plume, un cirque qui est né dans ce creuset franc-comtois. Et justement, ce soir, demain et dimanche, vous êtes ici à Belfort, à la Maison du Peuple. Le Cirque Plume qui, je le disais, a fêté ses 30 ans avec un nouveau spectacle, Tempus Fugit. Le Cirque Plume, depuis le début, c'est ce qu'on appelle le renouveau du cirque. Et c'est vraiment une fierté nationale. Mais comme le Cirque Plume a plus de 30 ans maintenant, à quoi ressemble le renouveau du cirque ? Ah, c'est vachement formidable, le renouveau du cirque. Il y a vraiment beaucoup de compagnies qui inventent chacune des formes différentes. Il y a 400 compagnies de cirque aujourd'hui. Vous avez fait des petits, c'est ça que vous voulez dire ? Ben ouais, on est super d'être des pommiers et puis d'avoir plein de pommes au pied des pommiers. C'est quand même formidable. Vous avez parlé de Chirac, donc je parle de... Oui, ça. Et donc, les clowns, c'est ringard, alors, en cirque ? Pardon ? Les clowns, c'est ringard. Non, c'est formidable, le clown. Le clown, il y a du clown dans le cirque. Il y a du nouveau clown. Non, le clown, c'est l'enfant intérieur. Le clown, il est éternel. Juste, il faut trouver des clowns justes, et le clown juste, il est absolument extraordinaire, il ne va pas bouger entre Chaplin, Keaton ou les clowns d'aujourd'hui, ou Thomas Thévenoud, et tout ça. Mais ça, ce sont des clowns un peu pitoyables, c'est autre chose, quoi, disons. On aura l'occasion d'en parler dans le premier sujet, d'ailleurs, de ce rapport entre le cirque et l'autre cirque, hein, celui qui ne se renouvelle pas beaucoup. Alors Bernard Cudlac, j'imagine que quand le Cirque Plume est en tournée, même en tournée internationale, vous aurez même des dates jusqu'au Brésil, on ne voyage pas en Falcon dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on fait pour financer le Cirque Plume aujourd'hui, au moment où il y a des coupes dans la culture en période d'austérité ? Ben, nous, on est subventionné à 13%. Donc, c'est notre activité qui nous subventionne le plus. C'est notre public. Et on a une grande chance. C'est qu'on a un énorme public qu'on a rencontré il y a 30 ans, qui est revenu avec les enfants, les petits-enfants, etc. Et partout où on passe, on fait 100% de remplissage. Et c'est grâce à ça qu'on a une économie. Mais il faut jouer beaucoup. Et c'est assez fragile, mais ça va, quoi. Parce que vous avez beaucoup de succès, donc vous pouvez, voilà, vous voyez l'avenir, mais j'imagine que les petits dont vous parliez, les jeunes pousses du renouveau du cirque, eux ont plus de soucis. Oui, c'est créer des écoles, les gens sont virtuoses, ils font des spectacles incroyables, mais le cirque et le spectacle de rue, c'est comme les femmes à l'Assemblée nationale. C'est les nouveaux arrivés, il n'y a pas tellement de place pour eux. C'est-à-dire qu'il y a peu de femmes à l'Assemblée nationale et il n'y a pas d'argent pour le cirque au ministère de la Culture, ou très très peu. Si vous voulez, 400 troupes en France, pour financer 400 troupes en France, c'est la moitié du budget annuel d'un seul théâtre parisien, par exemple l'Odéon. Voilà. Ça donne une idée. La moitié du budget d'un seul théâtre parisien doit subventionner toutes les troupes de France et aussi l'éducation, les écoles et tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de pognon, il n'y a rien. Le théâtre parisien, où des fois, on ne dira pas de nom. André Manoukian, une petite question. Il y a toujours des cirques un peu miteux, comme dans Fellini, avec le lion malade et puis le trompettiste asthmatique et tout ça. Moi, je les aime bien, ces cirques-là. Oui, moi aussi. Il y en a quelques-uns encore. Oui, il y en a. Et même, il y a une scène qui évoque ça dans Tempus Fugit, par exemple. Et moi, j'adore. Et puis, on joue aussi avec cette mythologie-là. Mais c'est le cirque a toujours été marginal. Et aujourd'hui, il peut être un peu officiel, bien entendu. Il y a aussi les côtés élitistes qui existent, parce que tout existe, et tant mieux. Mais il y a la marginalité, il y a la marge. C'est quand même des camps volants, les gens de cirque. Il y a quelque chose de sac et de corde dedans. Il y a un côté freak, il y a un côté... Mais le truc miteux du clown dont on parle, c'est notre âme à nous, à vous. C'est ça, c'est le fond de l'homme, ça existe, c'est vivant, bon sang. Et en plus, les députés ont voté la suppression du livret de circulation pour les gens du voyage, ce qui devrait vous aider. Bernard Cudelac est avec nous jusqu'à 18h, le Cirque Plume. Donc vous êtes ce soir, demain et dimanche, ici à Belfort, à la Maison du Peuple. Qui dans la salle va aller voir ou a déjà vu le Cirque Plume? Oh là là, quel succès! Vous jouez à domicile. Vous serez en septembre à Chalon-sur-Saône. Vous serez du 31 octobre au 4 novembre à Marseille, ou du 27 novembre au 6 décembre à Clermont-Ferrand. On vous donnera quelques dates pendant cette émission. Car oui, le Cirque Plume est avec nous. J'ai envie de vous dire, I was made for loving you. Hein, André. Parce qu'après, c'est... Charline, je le prends pour moi. C'est le premier sujet, votre chronique, la revue de presse. Ah, j'en suis déjà toute chaude. C'est le groupe Kiss en plus. Tout ce qu'il y a de plus disco alors qu'ils viennent du heavy metal. Sur France Inter. Nous sommes en direct de la salle des fêtes en présence de Bernard Cudelac, le directeur et cofondateur du Cirque Plume qui a plus de 30 ans et qui a un succès fou dans cette salle. Je pense qu'il y a pas, personne n'a pas encore vu le Cirque Plume. C'est quand même c'est incroyable. C'est une vague d'amour pour vous. Voilà, c'est chouette. Samir Boisdi est avec nous, André Manoukian, Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek. Clara prendra le même train que nous. Pour... on va la prendre par la main pour qu'elle trouve le bon train. Alex le mettra dans sa valise. À cette heure-ci, Belfort, nous allons vous informer, et vous aussi derrière votre poste. C'est notre mission de service public, bien sûr. Allez, une revue de presse. Je à deux voix, Alex, c'est parti. Charlie Pannacker. Non, mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par Europe Écologie Les Verts. Dans Le Point, on apprend que Jean-Vincent Placé... Ça va être drôle. Jean-Vincent Placé, partisan de la candidature unique à gauche, refuserait de soutenir un éventuel candidat vert à la présidentielle. Oui, et donc c'est un gros soulagement du côté de tous les candidats potentiels chez les Verts. En effet. On passe à Christine Boutin. Oui, elle s'est exprimée ce matin sur DSK, c'était sur Sud Radio, c'était donc avant la relaxe, mais on écoute ce qu'elle dit. La question c'est libertin ou proxénète. La relaxe a été requise. Alors, libertin ou proxénète DSK pour vous? Bah, si, un avis sur la question. Si la relaxe a été requise, c'est sans doute c'est un libertin. Ouais. Moi, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, vous savez. Le libertinage, même si j'aime bien les choses de la vie. Ouh, la coquine. Elle aime bien les choses de la vie. Et vous croyez que ça veut dire quoi? Bon, je pense que parfois elle laisse la lumière allumée pendant l'acte. Oh, arrêtez, mon Dieu. Elle s'évanouit peut-être aussi. Une bonne nouvelle dans les médias. Oui, TF1 reconduit Patrick Buisson, le Patrick Buisson de Sarkozy, à la tête de la chaîne Histoire. Ah, la chaîne Histoire. C'est bien pour les élèves qui passent le bac et qui souhaiteraient révisionner l'histoire. Oui, et fort de cette reconduction, je vous donne en exclusivité la bande-annonce de ce week-end sur la chaîne Histoire. Cet après-midi, Histoire vous propose, à 17h, une ville, une date. Aujourd'hui, Poitiers, 25 octobre 732, Charles Martel arrête enfin les bougnoules. À 19h, les femmes dans l'histoire. Cléopâtre, pourquoi aujourd'hui elle porterait le voile? À 21h, notre série Histoire d'objets. Nous reviendrons sur la vie d'Alfred Karcher, le génial inventeur de l'appareil du même nom. Et enfin, comme tous les jours, à 23h, Résistance mon cul. Le thème du jour, Jean Moulin, brassé aussi pas mal de vent. Histoire, la chaîne qui vous écoute comme elle écoutait l'ancien président. Programme alléchant. Passons à une info qui vient des États-Unis. Oui, avec ce titre, pour se venger de son ex, elle met son chiot au four. Mais c'est horrible. Oui, c'est ça, horrible. Alex. C'est une recette artisanale du hot dog. C'était dans l'Illinois, un jeune pitbull, elle s'est fait virer, elle l'a enfermé dans le four en marche réglée à 300 degrés et bloqué par une chaise. Direct matin, pense nous préciser, et c'est vrai que c'était important, l'animal n'a pas survécu. Ah, alors on passe à une info locale, mais locale d'ici, parce que là ça me paraissait local des États-Unis. Non, ici c'est vraiment d'ici, beaucoup plus festif. J'ai lu ça dans l'Est républicain, si vous ne savez pas quoi faire et que c'est complet au Cirque Plume, demain soir, à Morteau, a lieu l'élection de Miss Ronde Franche-Comté. À Morteau. Oui, la cité de la saucisse. Va donc élire un boudin. Et oui, voilà. Il fallait et la voilà. faire. Oui, donc, oui, je suis gêné. Et vous applaudissez. Ouais. J'en connais d'autres qui vont caler la porte du four avec une chaise. Hein. Et pour terminer, Alex, vous vouliez passer un coup de gueule. Oui, c'est tout à fait personnel. C'est un sacré coup de gueule parce que hier, j'ai écouté le jeu des 1000 euros sur France Inter. Ben, je sais pas, le roman ne me dit rien, mais je vais quand même citer un peintre. David. Ingres. Non. Eugène Fromentin. C'est lui. Voilà. Elle a pas trouvé la réponse. Elle a perdu. C'était la question super banco. Bah oui, elle a perdu. Alors. Bah, et alors, donc elle perd 1000 euros, mais elle repart quand même. Je vous remets Françoise Huiban et David Dorner, le cahier des tentes du jeu des 1000 euros et le livre des chroniques en Thalys, les chroniques en Thalys d'Alex Vizorek en condition France Inter. Bonne journée à tous et à demain si vous voulez bien. Non, c'est pas vrai. Comment faire de l'autopromo? La meuf perd 1000 euros et elle repart avec mon bouquin. Merci France Inter. On est ensemble jusqu'à 18h et nous sommes en compagnie de Bernard Cudelac dont le frère a gagné le jeu des 1000 euros ce midi. Ouais, il est parti avec 1000 euros et le bouquin. Ah, même les gagnants ont droit. Ouais, les deux. Ça sent la magouille quand même. Ça fricote. C'est pour ça que je suis là ce soir. Sinon, alors, c'est quand même un service public, donc je demande une commission d'enquête parlementaire sur cette histoire. Mais comme il se vend pas, il y a des stocks à écouler. Voilà, vous aurez compris que Clara Dupont-Bono est parmi nous, Samir Bouadi, André Manoukian, Alex Vizorek bien sûr, et Bernard Cudelac, le cofondateur du Cirque Plume. On vous accompagne jusqu'à 18h en direct de la salle des fêtes de Belfort. Allez, premier sujet avec vous, participez dans la salle, hein, si vous avez un avis, si vous voulez changer la France, c'est le moment. Cette semaine, l'hebdomadaire Marianne nous dit que la politique c'était mieux avant. Avant, il y avait moins de show et plus de débats. Avant, ça veut dire au temps de l'ORTF. Comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs? Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. La vérité est dans OSS 117. Alors aujourd'hui, nous dit Marianne, les meetings ne sont plus construits autour de débats ou de l'échange avec les militants, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, les meetings sont construits pour être diffusés à la télévision. Et on parle donc de plus en plus de cirque politique, qui n'est pas une locution nouvelle, mais qui... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes bien placé pour nous dire s'il y a vraiment des points communs entre votre art et du lard. Je vous en prie. C'est bien ça l'idée. Oui, c'est quand ça. Quand vous entendez le cirque politique, vous, ça vous agace? Oui, le mot cirque est dépréciatif. Donc, quand on veut déprécier, on parle du cirque politique, du cirque de ceci, du cirque de cela. Et puis pour le football, Platini avait dit un jour, le football, c'est pas du cirque, c'est du spectacle. Il avait raison. Ben voilà. Il a toujours raison. Alors on va passer à la question suivante. L'hebdomadaire Marianne raconte aussi qu'avant, nos hommes politiques étaient façonnés par l'histoire. Ils avaient au moins connu une guerre. Ça aide. Oui, oui. Bon, le général ou Simone Veil, par exemple, il y a quand même un bagage extraordinaire. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui serait mieux aujourd'hui, tiens, pour essayer de contredire Marianne, rapport à avant? Mais non, mais c'est les financiers qui font la politique. Aujourd'hui, les politiciens sont entre nous et les financiers. La crise aujourd'hui, c'est les banques, c'est les gens qui sont dans la finance. Aujourd'hui, c'est le commerce, c'est la marchandise qui gouverne tout. Et donc, c'était bien mieux avant, alors? Non, c'était pas mieux avant. C'est simplement qu'aujourd'hui, quand on s'en prend aux politiques en permanence, on a tort. Faut aller s'en prendre aux financiers. Parce que c'est eux qui nous mettent dans la merde. Faut qu'on arrête aussi la marchandise. Nous sommes en meeting politique à Belfort, à la salle des fêtes. Ouais, je me présente, chevènement, attention. Moi, je voudrais embrasser mon banquier, parce qu'il est assez sympa avec moi en ce moment. Ouais, je vous embrasse. Puis avec les footballeurs aussi. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça vous semble pas un peu stérile, parfois, toute cette espèce de nostalgisme, en fait? Ben, bien sûr que c'est parce stérile. Parce qu'avant, les femmes pouvaient pas travailler, par exemple. Ça, c'est un progrès. Moi, je trouve plus de femmes. Avant, c'est pas mieux. C'est aujourd'hui que c'est mieux. Puis c'est demain que c'est mieux. C'est ce qu'on vit qui est mieux. C'est quand on vit qu'il faut c'est vivre. C'est l'instant, quoi. Comme dans votre spectacle. Voilà, t'aimes pousse Fougui, c'est ça, c'est l'instant, faut être vivant dans l'instant, faut rester dedans. Bien sûr, faut avoir la connaissance de l'histoire, de trucs, mais c'est maintenant qu'on est vivant, faut être vivant ensemble. Faisons l'amour. Oui, ensemble. Voilà, c'est des oh trucs oui, comme ça. On dirait du Manoukian, il parle comme Manoukian. Effectivement, c'est peut-être le moment de faire l'amour, pas la guerre, sur la chronique d'André Manoukian. Ben voilà. André, c'est à vous. Ben voilà, on y arrive. Accrochez-vous, Belfort. On va remonter. T'aimes plus Fougui, vivons dans l'instant, mais pour connaître l'instant, j'aime bien aller dans le passé. Les Eurocans de Belfort, 26 ans d'existence, 100 000 festivaliers, savez-vous quand tout a commencé? Tout a commencé à la fin du 15e siècle. Gaspard de Morimont, baron de Morimont et de Belfort, descendant d'une lignée d'Alsaciens alliés aux Habsbourg, et j'ai l'impression d'être Stéphane Bern, descendant d'une lignée d'Alsaciens alliés aux Habsbourg, se bat de ce fait souvent contre les voisins suisses. Ici, un petit peu des querelles. On est dans une région qui est frontalière à l'histoire mouvementée, mais ô combien passionnante. Gaspard de Morimont, donc, construit un barrage qui va créer le lac de Malsaucy afin d'alimenter en eau les populations de la région de Belfort pendant les périodes de sécheresse. Qui eût dit que 5 siècles plus tard, tous les premiers week-ends de juillet, plus de 100 000 aficionados investiraient les rives de ce lac pour communiquer de la manière la plus païenne qui soit, païen qui vient du latin paganus, paysan, la terre, un des plus gros festivals de France. Alors j'ai choisi quelques pépites parmi les innombrables stars du rock que recèle ce festival. Elle s'appelle Sienna, elle vient du hip-hop. Quoi de neuf dans le monde du hip-hop? Eh ben, les mômes veulent sortir du ghetto, ils veulent voir le monde, ils ont de plus en plus le désir de connaître leurs racines. Alors ils vont d'abord sur Google Maps et dès qu'ils peuvent, eh ben ils remontent le riad à la source. Sienna est une virtuose du flow, elle est originaire de Bamako. Est-ce le mandingue de ses parents qui lui donne ce débit de mitraillette? La fraîche folle d'un gaffre style se paye son road trip comme nos grands-pères 68ards se faisaient la route des Indes à la recherche de leur spiritualité perdue. Être un musicien, c'est avoir un passeport. Quand on se dit entre nous, c'est bon, tu l'as ton passeport, ça ne veut pas dire qu'on a un document administratif, ça veut dire qu'on a atteint le niveau musical nécessaire pour pouvoir échanger avec n'importe quel croque-note de la planète. Sienna, elle nous offre le tour du monde en freestyle. Là, c'est Sienna Arabica qu'on entend. Elle a fait aussi Sienna Town sur la Chine, Sienna Alicante. Elle sera le vendredi 3 juillet à la plage. Quoi de neuf maintenant dans le monde de l'électro? Ça, c'est encore Siana. Maintenant, on va mettre Fakir. Fakir, ça s'écrit Fake Ear. En fait, là aussi, retour vers le futur. C'est de l'électro, mais c'est du chant, mais il y a du mélange. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la planète électro? Eh ben, il y a de plus en plus de musique. C'est-à-dire qu'au début, on pouvait dire que c'était des gars qui poussaient un petit peu des disques sur les platines et qu'en jouant avec les filtres, ils se prenaient pour des apprentis Xenakis. Mais maintenant, ils s'entourent de plus en plus de musiciens. Ce que fait Fakir, c'est qu'il monte un vrai spectacle sur scène. Il y a une scénographie, il y a des lumières, il y a de la poésie, un peu comme chez vous, dans le cirque Plume. Et il vient de la scène de Caen, c'est une vraie pépinière grâce aussi à la SMAC du coin. C'est une nouvelle génération de musiciens qui prend l'électro par les bornes. Et du coup, nous voilà avec des gars qui créent de la mélodie en même temps que des textures sonores et qui rassemblent des courants qui s'étaient disjoints et surtout produisent des lives à la scénographie magique. Aujourd'hui, plus de doxa ni de dogma, mais du dolma. C'est une feuille de vigne farcie au riz confit. Retenez cette phrase. C'est la nourriture préférée des fakirs. Et bien sûr, il y aura aussi des petits jeunes aux Eurokéennes qui démarrent. C'est à ça que ça sert un festival, mettre en avant des talents émergents pour leur donner des ailes et les encourager. Parmi les espoirs de demain qu'on retrouvera aux Eurokéennes de Belfort, il y aura Sting, Étienne Dao, Ben Harper. Dans la catégorie magique, les musiciens sont des chamans. Il y aura James Blake, les Alabama Shakers que j'ai chroniqué ici, Charline, Ron aussi, cet électromagicien. Dans la catégorie énervé et énergique, Skip the Use, Antemask, Die Antwoord, c'est du rap tribal sud-africain. Voilà, je ne voulais pas vous citer toute l'affiche, elle est énorme. Venez à cette grande fête dionysiaque, 3, 4, 5 juillet. Mais surtout, ayez une pensée pour Gaspard de Miremont, parce que vous allez saccager sa pelouse pendant 3 jours. Merci André Manoukian. Et on rappelle que le Festival des Eurokéennes de Belfort est en partenariat avec France Inter. Et d'ailleurs, Clara Dupont-Monod va vous accompagner tout l'été. Elle ne vous laisse pas tomber. Et on y sera, on y sera. Vous serez aux Eurokéennes. Maintenant, je connais le chemin. Et j'irai Gare de Lyon. Alors, cette fois. Clara Dupont-Monod, on pourra vous retrouver tout l'été, alors. De 18h à 19h. Et nous serons le vendredi aux Eurokéennes de Belfort avec Big Fridia, avec Matt Bastard, avec TFN. Voilà. Avec au début juillet. On connaît pas TFN. Voilà. C'est-à-dire tous ces noms que vous citez, vous les connaissez. Vous connaissez pas que Jean-Jacques Goldman. Je les ai régulièrement au téléphone. Elle est en train de travailler le dossier, figurez-vous. Vous êtes à la bonne adresse sur France Inter. Tiens, le Cirque Plume donne aussi quelques dates de tournée. Vous serez du 15 au 20 décembre à Perpignan, au Théâtre de l'Archipel. Vous serez du 8 au 14 janvier 2016 à Mérignac. Je vous informe, hein, Bernard, comme ça vous êtes si, au courant. Si, c'est bien, comme ça je vais prendre mes billets et puis voilà, je vais chercher la gare. Voilà, prenez vos billets pour le 27 janvier jusqu'au 6 février 2016 à Namur, en Belgique, Namur. Oui, au Théâtre de Namur. On a joué souvent à Namur, on a joué à Bruxelles, mais à Namur, la citadelle. Ouais. C'est beau, c'est beau Namur. Et on recevait 24 000 spectateurs à Namur. Oui, mais écoutez, ils seront là, ils seront là, 27 janvier, 6 février 2016. Notez, car nous sommes écoutés jusqu'en Belgique et jusqu'en Allemagne et en Suisse, on n'est pas loin. À cette heure-ci, c'est la chronique de Samir Bouadi. Eh oui, vous avez de la chance quand même. Hein. aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain Michael Jordan. Alors Michael Jordan, c'est quoi? C'est juste le sportif retraité le mieux payé du monde. Ça fait rêver parce que j'en vois des retraités ici. Hein. Alors ce week-end, Michael Jordan vient à Paris. Payés. Ils sont très bien payés. Je vois que vous êtes bien payés en plus. Hein. Donc ce week-end, Michael Jordan vient à Paris fêter les 30 ans de sa marque. Hein. Donc je vais taire le nom de la marque parce que ça se fait pas. Alors l'affaire fait grand bruit, chers amis. Paris bruise de rumeurs. Les rédactions sont mobilisées. On attend Jordan. Alors bref, très gros truc. Le palais de Tokyo, himself, sera investi et à partir de ce soir, il sera renommé Palais 23 en référence au numéro mythique que portait la légende. Alors, c'est l'occasion, mes petits copains, de tenter de cerner le personnage Jordan et de rappeler certaines choses utiles hein, à notre édification. Dois-je le rappeler, chers amis, Michael Jordan est au basket, ce que Julie Pietri est à la boule caisse. Un VRP enragé. Jordan est au basket, ce que le nombre d'or est à la cathédrale de Chartres, de Reims ou d'ailleurs. Un couronnement sur pattes, une victoire sur l'évidence, la certitude, oui, la certitude que la vie est ailleurs et qu'accepter son destin, c'est obéir à la pesanteur. Parce que, hein, comme dans toutes les histoires de réussite aux États-Unis, et surtout vraiment aux États-Unis, il y a un début, hein, très connu comme dans le cinéma, les obstacles majeurs, les origines sociales, le lieu de naissance, la couleur de peau et tout ce qui fait la panoplie du loser en devenir. Et puis, comme en musique, cher André, la lumière qui vient du talent que l'on détecte très tôt, qui se presse, qui chatouille là où on s'endort, une voix plus forte qui dicte sa loi, un GPS péremptoire qui ne s'embarrasse pas de détours polis, un peu comme la voix de Clara, hein, quand elle s'en prend vertement à Guillaume Meurice en lui intimant l'ordre de la fermer pour de bon Jordan. Voilà, Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, qui est né pieds nus comme nous tous et qui a depuis vendu beaucoup, mais alors là, beaucoup de godasses. Beaucoup de godasses. Jordan, ce beau retraité tout jeune de 52 ans, à qui on va serrer les pompes pendant 2 jours à Paris. Ah, c'est beau. Lui qui aura pourtant tout fait, mais alors tout fait pour survoler les parquets. C'est triste. Merci. Samir Bouadi, en direct depuis la salle des fêtes de Belfort. Dans Si tu écoutes, j'annule tout, vous êtes bien sur France Inter dans une émission réalisée par Koyen Guyen, vous pouvez applaudir, oui. Préparée par Nathalie Romero et Claire-Sophie Collet. Et tiens, on en profite pour remercier aussi toutes les équipes techniques que vous voyez, ils sont là, ils sont nombreux, ils font un boulot formidable. Et ils sentent bon. On est ensemble jusqu'à 18h et on passe l'actualité à l'essoreuse avec notre invité Bernard Cudelac, le cofondateur du Cirque Plume qui a plus de 30 ans. Là, ça fait de oui, j'ai plus de 30 ans en effet. Mais oui, effectivement. Ça se voit. Pas du tout. Vous ne le faites pas. Sujet 2 avec vous. Après la musique et le cinéma, voilà que les comics s'exportent partout dans le monde. La preuve, on est à Belfort. Et là, vous vous dites, aïe, quel comique français s'exporte ? Aïe, aïe, aïe, Gad Elmaleh et Kev Adams. Qui a vu dans cette salle déjà Gad Elmaleh ou Kev Adams ? Bande de menteurs. Eh ben, il voilà. Oh, ah, il y a deux ou trois, deux ou trois. Et qui a vu le Cirque Plume déjà ? Ah. Ouh, voilà. Ça a augmenté depuis tout à l'heure, vous êtes vraiment une belle bande de voyous. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Gad Elmaleh et Kev Adams travaillent l'anglais pour pouvoir aller jouer aux États-Unis. C'est une sage précaution d'apprendre l'anglais. Oui. Ah là là, la guigne, hein. Excusez-moi, regarde. Sorry. Look, there's nothing, hein. Oh, si, yes. There's an érablure. I have insurance. I am insured. I have good. Do you know Matmut? Matmut? Do you know Chevalier Lascelles? Vous vous rendez compte quand même, c'est les, voilà. Je pensais que ça ferait plaisir aux auditeurs d'Inter, ce petit Bob sur la Matmut. C'est un extrait d'Hollywood. Un film avec Jamel Debbouze. Chef d'œuvre. Casavette à côté, c'est une blague. Alors, c'est un dossier dans le Parisien Magazine, ou aujourd'hui en France Magazine, le Marrakech du Rire, le festival créé par Jamel Debbouze en 2011. Le Marrakech du Rire s'ouvre ce week-end. Eh bien, il y a évidemment une internationalisation, je l'ai bien dit là, hein. Ouais. Des comiques. Exemple, tiens, il y a Eddie Izzard, votre idole, Alex Vizorek, qui a joué en France l'année dernière en anglais, en français et en allemand. Alors que récemment, le rire était encore prisonnier de ses frontières, nous explique le Parisien Magazine. Tout ça est possible grâce au web et à la pratique de l'anglais. Mais au Cirque Plume, évidemment, l'humour vient de la gestuelle. Il est en dessous, c'est-à-dire toute partie du corps, non ? Non, mais comment aussi... vous faites pour jouer au Brésil ? Eh ben, dans tous les pays où on va, les paroles sont dites dans la langue du pays. En Finlande, on parle finnois, au Brésil, on parle portugais brésilien, au Portugal, portugais, en Espagne, espagnol, en Angleterre et tout aussi ça. Mais il n'y a pas beaucoup de paroles. Ouais. Non, mais c'est. Mais vous quand adaptez même, quand même. Les ceux qui parlent dans le spectacle, puis il y en a, dont mon frangin, grand vainqueur du jeu des 1000 euros. Pourquoi, on m'informe donc, que la commission. Parlementaire pour la transparence est ouverte. Hein. Donc, ils apprennent. Alors, on les voit passer dans les coulisses les jours avant avec justement un casque et puis ils répètent dans la langue du pays qu'ils ne parlent pas. Et voilà. Oui, donc alors, c'est tout phonétique monde... en fait. Oui, c'est phonétique. La plus... ben, oui. Mais, vous êtes des menteurs en fait, vous aussi. Non, c'est des musiciens. Ah, c'est voilà. Pas pareil. Et voilà, donc ça permet de dire la langue du pays. Mais déjà, votre troupe aussi est un poil cosmopolite. Elle est absolument cosmopolite. On a des gens de partout. Alors, par exemple, dans votre troupe actuellement, dans Tempus Fugit, qu'on peut voir ce soir, demain soir, dimanche à Belfort, il y a Qui vient d'où à peu près ? Alors, il y a des Français, il y a des Franc-Comtois. Alors, donc des Français, des Franc-Comtois. Il y a des Suisses, des Canadiens, des Québécois, des gens des États-Unis d'Amérique. Tout sauf des Belges. Voilà. pas de Belge. Pas cette année, mais on a travaillé avec des gens de Belgique. Et puis Max a fait ses études à Bruxelles. Vous faites bien de parler parce que de Belgique, parce que le dossier du Parisien Magazine explique que les Canadiens et les Belges se sont déjà pas mal exportés dans l'humour. Et maintenant, une des missions du Marrakech du Rire, c'est d'exporter l'humour africain. Alors, est-ce qu'aussi dans le cirque, le côté africain, il faut encore évidemment beaucoup le promouvoir pour voir émerger des talents et l'encourager ? Il n'y a encore pas énormément d'artistes africains. Et au dernier festival mondial du cirque, il y avait des Éthiopiens qui étaient formidables. Quoi. Tout était, enfin, les choses sont plus ou moins cadrées et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font et les Éthiopiens dans le cirque ? Et tout d'un coup, ils faisaient du main à main, mais ils avaient un style du main à main. Vous battez ils pas. Ils étaient les uns sur l'autre. Ils se portaient les uns les autres. Ils avaient cette danse et un style tout à fait Scaramakai, mais qui était formidable. Scaramakai. Ah, non, mais là, attendez, il va avoir un orgasme, Malouvian. On voit, là, il est tombé, il est tombé dans les pommes. Ben, il y a bien, puis il y a Scaramakai, c'est mieux. D'accord. Voilà. Notez-le pour une prochaine chronique. Ce qui est intéressant avec l'humour qui s'exporte, c'est que l'œil d'un étranger sur le pays où il fait sa représentation, ça déclenche toujours une forme de réflexion. Est-ce que vous sentez aussi quand le cirque plume, quand la Franche-Comté va au Brésil, par exemple, on va dire comme ça, oui, que ça déclenche quelque chose, évidemment, chez le spectateur étranger? Alors, je c'est une curiosité, une découverte. C'est une découverte et tout. Mais dans le fond, l'échange qu'on a avec le public, il n'est pas différent d'une représentation entre le jeudi et le samedi que de la France au Brésil ou en Suède. Vous n'avez pas senti des danseuses de carioca qui ont envie de découvrir Belfort et donc, c'est qui arrive là. Ouais, qui le bus attend à la porte. Et la cancoyote au Brésil, ils en mangent ou pas? Je sais pas, on n'a pas osé. Les douanes ont bloqué le côté. À ce propos, est-ce qu'il y a encore un esprit franc-comtois dans le cirque plume, puisqu'on est à Belfort? Eh bien, je pense que oui, parce qu'on est très branché sur la nature. Et je trouve que les relations au cirque plume de cet instant de vérité et tout, c'est la même chose que le grand vivant qu'on a en regardant des spectacles de la nature. Je dis souvent que notre spectacle, c'est comme regarder une goutte d'eau au soleil l'hiver, traversée par le soleil qui devient rouge parce qu'il y a la petite goutte rouge comme ça. Et c'est ça qu'on cherche, mais c'est vrai ça qu'on cherche. On va faire un club. Non, moi, je voudrais terminer en disant, parce que vous êtes moqué de Gad Elmaleh et Kev Adams, je trouve non. ça. Si, genre, moi, non. je l'ai senti. Si, si, si, il a raison. Senti. Personne n'a osé dire qu'il y avait été. Je trouve que c'est vraiment plutôt chouette que des Français tentent d'aller voir ailleurs. Vous voyez, c'est tout. Oui, c'est une bonne idée. Temps en temps, on les critique. En fait, voilà. Ce que vous leur dites, c'est aller jouer ailleurs. Oui, alors ça, c'est aussi pour nous. Mais non, je trouve ça un bel exercice. Juste, je veux pas. Allez-y, André. Ce qu'ils vont faire aux États-Unis, c'est qu'ils vont jouer pour les expats. C'est clair et net. Ils apprennent l'anglais. Kev Adams et Gad Elmaleh travaillent l'anglais. Ils ambitionnent de... À la douane, ça peut servir. Mais en fait, ce sont des réseaux français qui les font venir. Et ils vont jouer sur la côte ouest, sur la côte est. Même c'est compliqué, la traduction. Comment vas-tu, yo de poil? Pour traduire en anglais. Et toi, la matelas, vous êtes encore plus féroce que moi. Dédé, vous qui avez la réputation d'être gentil. Clara Dupont-Mono, c'est l'heure de l'ode à Belfort, car je vous rappelle, on va réveiller la salle, que vous êtes à Belfort, qu'on vous transporte jusqu'à la salle des fêtes dans le vieux Belfort. Oui, alors Charline, l'actualité, vous l'avez dit, c'est Belfort qui nous accueille aujourd'hui et qu'on aime du fond du cœur, même si on met 8 heures pour y arriver. Alors, figurez-vous que pendant 8 heures... Je me suis trompée de gare. C'est pas à faute de Belfort. Elle adore Belfort. J'aime Belfort, absolument. Et j'ai une partie de ma famille en plus qui est pas très loin. T'as un tatouage d'ailleurs, I love Belfort. Voilà, I love B. C'était Barnabé, mais je vais faire croire que c'était Belfort. Alors, j'ai cherché un lien entre Belfort et la littérature. J'ai eu le temps pour faire ça. Mais soyons honnêtes et ne m'en veuillez pas, mais Belfort n'a pas vu naître beaucoup d'écrivains. Alors, vous avez des brouettes de militaires qui sont nés ici. Vous avez plein de généraux médaillés, j'ai vu, sur Wikipédia. Vous avez Jean-Pierre Chevènement, vous avez Marie-Noëlle Lindemann, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'écrivains. Alors, je me torturais la tête pour savoir comment résoudre ce problème. Et puis, une copine, c'est le hasard de la vie, m'a offert un DVD de Martin Scorsese et c'est Le Loup de Wall Street. Alors, ce film est sorti en 2013. Et c'est l'adaptation de quoi? D'un livre qui s'appelle Le Loup de Wall Street, signé de Jordan Belfort. Ah ben voilà. Voilà mon lien. Ben voilà. Un peu tiré par les cheveux. Bon. Mais enfin bon, voilà, Jordan Belfort. Alors, c'est intéressant. Le Loup de Wall Street, il se trouve qu'en plus c'est intéressant parce que ça fait partie d'une catégorie assez rare de livres qui sont en fait les livres un peu agaçants. Parce qu'en fait, on désapprouve complètement le parcours de l'auteur et en même temps, on est fasciné par lui. Et cette ambivalence, évidemment que Martin Scorsese a joué dessus, il l'a flairé. voulez. Et bien sûr, il joue dessus. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Voilà, alors Jordan Belfort, donc. Jordan Belfort. Donc, là, c'est voilà, là, on va. On va pas passer le film non plus. Jordan Belfort, il se trouve qu'il existe vraiment. Il a écrit donc ses mémoires d'escroc, hein, ça s'appelle Le Loup de Wall Street. Et en fait, juste après le crash boursier de 1987, il a fait partie de ces vautours qui ont profité de la crise. Il faisait artificiellement monter la cote d'entreprise au bord de la faillite. Les investisseurs y croyaient, évidemment, ils mettaient de l'argent. Et puis, en fait, évidemment, ça ne valait rien. Sauf que ça a marché, ça a même très très bien marché, et Jordan Belfort s'est retrouvé milliardaire, richissime. Il a acheté des grosses voitures, des belles prostituées, il a découvert la cocaïne, et la première page de son livre, je vous le cite, c'est « Par un beau matin de décembre, j'étais assis aux commandes de mon hélicoptère Bell Jet bimoteur avec assez de drogue dans le sang pour assommer tout le Guatemala. » Voilà. Ça, hein, la, il est bien la couleur est annoncée. Ouais, ben voilà. Hein. Alors précisons quand même que Jordan Belfort a racheté le yacht de 50 mètres qui appartenait à Coco Chanel, qu'elle avait appelé Nadine, et il avait tellement de poudre dans le nez qu'il a réussi à couler le yacht, ce qui est fort, 50 mètres quand même, hein, au large de la Sardaigne. Et ce sont les hommes grenouilles italiens qui l'ont sauvé in extremis. Et dans le livre, ça donne une scène complètement délirante. Alors au final, Jordan Belfort a quand même fait 22 mois de prison pour délit d'initié, pour blanchiment d'argent, et bien sûr, ses 1500 clients n'ont jamais revu l'argent investi dans ses combines. Mais ça lui est égal, puisqu'il gagne des sous maintenant avec le livre, avec l'adaptation, et aussi en donnant des conférences, je cite, de motivation. C'est comme ça que c'est dit, il est motivateur. C'est un peu comme Issei Sagawa, ce tueur cannibale japonais dans les années 80. Rappelez-vous, il avait mangé une étudiante... Oh, ben oui, parce que, attendez, il avait mangé une étudiante néerlandaise, et ensuite on l'avait retrouvé à la télé dans une publicité pour la viande. Donc si vous voulez, c'est absolument cohérent. Tourné mais à Belfort d'ailleurs. C'est bizarre quand même. Voilà. Alors, pour en revenir au Loup de Wall Street, il se trouve qu'avec ce livre, Jordan Belfort, soyons quand même honnêtes, il entre dans la lignée des personnages faussaires. Les faussaires, la littérature, elle aime bien. Il y a toujours cette ambivalence, c'est qu'on meurt d'envie de leur donner des claques et en même temps de leur demander conseil. Sauf qu'il y a une petite nuance, c'est que ses compagnons faussaires de papier, comme le comte de Monte Cristo, comme Zorro, comme Spider-Man, comme Arsène Lupin, tous ces personnages, ils pratiquent la double vie et ils dépouillent aussi. Sauf que, la plupart du temps, ils le font pour réparer une injustice. Alors que Jordan Belfort, lui, il la crée, l'injustice. Et non seulement il la crée, mais en plus, il l'utilise. Donc, autrement dit, il se sert du mal pour être bien. Et ça, nos imaginaires judéo-chrétiens, si vous voulez, il y a quelque chose à un moment, il y a un petit ressort qui part de côté, parce que là, nous, on perd un peu les pédales. Et puis alors, cerise sur le tas de cocaïne, hein, si je peux, c'est pour André, c'est qu'il s'en sort. Ses péchés ne l'empêchent pas de vivre. Et il écrit dans son livre, je m'y connais en chute. Je sais toujours comment retomber sans me faire mal. Donc avouez que c'est rageant quand même. Bon, je vous redonne les références. Le Loup de Wall Street de Jordan Belfort est paru au livre de poche. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. En tout cas, chers amis de Belfort, j'espère que vous êtes contents d'en avoir appris beaucoup plus sur la littérature dans votre ville. Clara Dupont-Monod, dont on peut podcaster les chroniques sur franceinter.fr, la page de l'émission, bien sûr, voilà. Et puis une page avec laquelle vous entretenez une correspondance disparate avec vos auditeurs. Nous sommes toujours en direct, parce qu'on n'a pas bougé, hein, on n'a pas bougé, de la salle des fêtes de Belfort. On veut vous entendre, Belfort. Et il fait chaud, hein. Faut dire qu'il fait chaud. Il fait extrêmement chaud, n'est-ce pas, André Manoukian? Ils sont chauds à Belfort. Mais oui, puis là, on transpire vraiment de la moustache. Oui, hein. Voilà. Ça, c'est en compagnie de Bernard Kudelac du Cirque Plume. Alors, on va aborder avec vous un troisième sujet. Alors, comme à chacune des étapes du Tour de France, de cette émission... Et Dieu sait que nous avons beaucoup voyagé entre Nogent-le-Rotrou, etc. Nous traitons d'un événement local à chaque fois qu'on se déplace. Et qu'est-ce qui fait l'événement en ce moment à Belfort, à votre avis? Eh bien, c'est en une, c'est en... Alors, une de l'Est républicain. Les crêpes, j'ai entendu quelqu'un qui était au courant. Si on en croit l'Est républicain, c'est la crêpe de la discorde. C'est une accroche en une. C'est la guerre entre les restaurateurs et un vendeur de crêpes. Qui part tout de suite. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que la crêpe chichi? Eh bien, la crêpe chichi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de roustienne. C'est délicieux. Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, non, non, je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Et oui, la fameuse crêpe au sucre, des bronzés font du ski. Bruno Moineau. Que... Oui, oui, Bruno Moineau, oui, Bruno Moineau qui joue avec vous, oui, Samir bientôt, Boidi. Oui, bientôt, à partir du 16, c'est gentil d'en parler. Mais alors vraiment, dites-le, profitez-en. Moi, j'en profite, mais j'ai peur, ils me regardent tous bizarrement. Non, vous ça jouez pas... avec Bruno Moineau, ouais, qu'on connaît mieux sous Monsieur Prescovitch. Monsieur Prescovitch, à partir du 16 juin. Et si vous d'église. Perdez au jeu des 1000 euros la semaine prochaine, vous gagnerez pas de place pour aller voir Samir Boidi. C'est gentil d'en parler. Nous en étions, ah oui, nous en étions à ce gros dossier hein, sur la crêpe. Énorme. Bah oui, évidemment. Alors, j'ai délégué le sujet. Non, parce que les gros sujets, je les délègue donc, à Alex Vizorek. Qu'est-ce qui se passe, hein. C'est que depuis peu, il y a donc ce food truck, comme on dit aujourd'hui, oh là là. Itinérant, qui passe 3 jours sur la place à Belfort et ça énerve évidemment les 10 restaurateurs. Alors, vous qui êtes un petit peu dans l'itinérance quand même en matière de cirque. Mais oui, mais j'ai bossé le lien. On pourrait choisir pas le sujet au hasard. Quel est votre point de vue sur le fait que vous arrivez quelque part? Est-ce que vous êtes toujours bien reçu? Parce qu'ici, il y a grosse pétition et ils ne sont pas très contents, les commerçants. Alors, ouais, aujourd'hui, on est toujours bien reçu. Quand on a commencé, on avait peint nos camions en bleu clair. Et il y avait le fil des camions qui arrivaient sur la place. Et derrière, il y avait toujours un camion bleu foncé. Ah oui, blindé, voilà, blindé. Ah oui, systématiquement. Et voilà. Non, vous faites, vous, est-ce qu'on peut manger un petit quelque chose à la sortie du circuit? Oui, des crêpes. Non, parce que, et donc, c'est les questions de fond. Mais non, mais donc j'y viens. Et ça, est-ce que ça n'emmerde pas les gens quand vous y arrivez quelque part? Alors, on mangeait des crêpes autrefois sous le chapiteau au bar du Cirque Plume, mais la commission de sécurité nous a interdit de faire des plaques chauffantes là. Mais ce qui s'est passé là à Belfort, j'ai une petite idée si ça vous intéresse. Plaques chauffantes, hein, les plaques chauffantes, allez-y. Attention, parce que nous à Radio France, on a laissé les plaques chauffantes, on a eu un incendie. C'est vrai. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez l'air de connaître mieux le sujet que moi. Mais il me semble que Sarkozy a donné 3 milliards aux restaurateurs en baissant la TVA. Donc, il leur a dit, vous avez créé des centaines de milliers d'emplois. Alors qu'ils ont dit, ouais, on va créer des centaines de milliers d'emplois. Mais en fait, ils n'ont pas créé des centaines de milliers d'emplois. La moitié d'entre eux, ils n'ont pas fait faillite, donc ça leur a permis de ne pas faire faillite. Et l'autre moitié a changé les pneus du 4x4. Bon, et ensuite, attendez, je finis. Bien sûr. Mais Sarkozy, lui, il avait de la monnaie dans sa poche. Alors, il a filé la monnaie à la petite entreprise de crêpes. Il leur a dit, bah, tenez, je crée un emploi, vous n'avez qu'à faire des crêpes sur la place de Belfort. Alors, si on ôte les crêpes de la place de Belfort, il faut créer 100 000 emplois en échange. Sinon, on garde la crêperie. Voilà, c'est simple. C'est la faute à Sarkozy. C'est souvent, hein, d'ailleurs. Et alors, ce qui est bien, c'est que... On va peut-être pas réserver ce soir chez les restaurateurs parce qu'on vient d'encore faire une pub monstrueuse à la crêperie de la place. Juste dire que le mec de la crêperie, il se défend en disant « Oui, mais moi je vends mes sodas plus cher que les restaurants », ce qui est un argument formidable. Mais voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ce sujet qui valait la peine énorme d'être traité. Truc, hein. Et on vous encourage à lire l'Est républicain parce qu'on est toujours très satirique, on se moque, mais on veut aussi encourager évidemment la presse, nos confrères. Et on se délecte de cette presse tous les matins, la presse régionale, locale, internationale, toute la presse. Et maintenant, c'est le moment de... Est-ce qu'on lui fait une grosse arrivée? Ah bah oui. Mesdames et messieurs, il est là, à Belfort. Il risque de se moquer de vous, mais on s'en fout. Frédéric Faubert. Alors, pendant qu'il s'installe, je vais vous dire que si vous n'êtes pas content, demain, il est à Lure. C'est à une petite demi-heure d'ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous venger demain, ami franc-comtois. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que c'est bien, Belfort. Chantez-le nous. Il y en a qui font l'aller-retour en Falcon à Berlin. Quand moi je fais l'aller-retour à Belfort par le train. La belle idée de France Inter de visiter des coins paumés. Je crois que si c'était à refaire, je le referais pas ou alors bourré. Je peux même pas dire que Platini m'a invité en pays allemand. Le rendez-vous le plus sexy de Belfort, c'est Chevènement. Il y en a qui font l'aller-retour en Falcon à Berlin. Quand moi je fais l'aller-retour entre deux gares pour trois clampins. Reconnaissez que ça va pas fort, c'est bien la peine d'avoir un lion. Je reviendrai quand il y aura Belfort en finale de Ligue des Champions. Ici la Ligue des Champions, on l'organise à la cave. Quand on leur parle de ballon dans la région, ils le boivent. C'est pas une critique, hein. J'habiterai Belfort, moi aussi je serai alcoolique. Il y en a qui font l'aller-retour en Falcon à Berlin. Comment que je fais aller-retour par le rail pour des sacs à vin? Je déconne, hein. À 21h, y a plus rien. C'est plus une ville, c'est un hospice. Faudrait vraiment être un crétin pour y emmener ses deux fils. Moi, je veux bien être réglo, mais remboursé, là, je dis merde. J'ai pas 2500 euros à dépenser pour voir un bled. Y'en a qui font l'aller-retour en Falcon à Berlin. Moi non plus, je vous aime pas. On va faire l'aller-retour SNCF pour des bourrins. Ou des belles fortins, mais c'est pareil. Je peux même pas dire que j'ai bien droit à un petit moment de détente. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet endroit pour s'amuser à part se pendre? Que vouliez-vous de Manuel Valls, qu'il se balade en Franche-Comté? Xavier Dupont de Ligonnès n'oserait même pas s'y cacher. Il y en a qui font l'aller-retour en Falcon à Berlin. Moi, je fais l'aller-retour à Belfort, en vrai parisien. C'est fait plein d'amis à Belfort, à la salle des fêtes. Et Alex Vizorek, rappelez-nous, où joue Frédéric Tromet? Il est demain à Lure et il sortira par la porte derrière le théâtre. Attendez-le là. Merci, merci Bernard Kudelec du Cirque Plume. Je rappelle que vous êtes à Belfort ce soir, demain et dimanche, et puis en tournée dans toute la France et même à l'international jusqu'en juin 2016. Tiens, je vous redonne une date du 13 au 16 mai 2016, par exemple à Sainte-Maxime. Vous allez partout. Merci beaucoup Bernard Kudelec. Merci à vous. Et encore longue vie au Cirque Plume qui a plus de 30 ans. Merci à André Manoukian, Clara Dupont-Monet, Samir Bouadi, Frédéric Tromet, Alex Vizorek. À lundi. Merci aux équipes techniques. Merci à Belfort de nous avoir accueillis si chaleureusement. Et le mot de la fin en hommage à une caractéristique de France Inter que les auditeurs adorent. I have insurance. I have insurance. I have good. Do you know Matt Luke? Matt Luke? Do you know Chevalier Lascelles?